Guitare Mister Titi. Salut Flip. We'll be right back. J'ai merdé. J'ai merdé. Thank you. Je sais pas. Avec Creeper, moi je fais Creeper, mais ça synchronise pas très bien. En fait, quand j'ai réinstallé. Quand j'ai réinstallé Windows, j'ai tout enlevé les instruments virtuels, ça j'ai tout enlevé. Donc j'ai plus de drummer, j'ai pas. J'ai plus rien. Attends, je te mets un truc pour jouer la guitare.